sais pas, jouer. T'es pété la main donnée. Si c'est jouer au synthétiseur, j'ai pas les paroles en plus. Et Laura, tu connais? Laura. Mais je sais pas ce que c'est. Si je trouve les paroles, ça s'appelle comment? J'ai oublié de vivre. Ah pardon, excuse-moi. Ah ben oui, j'avais les paroles. À force. Ok, ok. C'est Johnny. C'est Johnny. Bonsoir. Bonsoir, c'est Johnny. Bonsoir, c'est Johnny. Je veux pas comprendre les chansons. Oh, on attend tiens. On attend tiens. Johnny qui chante avec sa fille. C'est ça. Prête ? Allez. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. Attention. À force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de crier mon amour jusqu'aux cieux. Toi, tu vas faire l'offrain avec moi, Chloé. Ça fait « J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. » De vivre. Tu connais pas cette chanson? Tu connais pas? J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Et alors ça fait comme ça. J'ai oublié de. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié. Et toi, tu fais quoi, toi? Tu chantes? Elle chante? J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Fa, do, sol, do. Ah oui, d'accord. Tout le monde s'en va, tout le monde n'aime pas Johnny Hallyday. Vous aimez pas Johnny Hallyday? Oh, que c'est pas gentil pour Johnny. Ah quitter le groupe si vous n'aimez pas. Arrête, dis pas des méchancetés comme ça. Je les aime pas. Voilà, ça c'est des gens qui sont un synthétiseur, un synthétiseur. Il y en a qui jouent pas, qui écoutent. Allez, on va faire. Chanter, oublier ses peines pour bercer un enfant. Chanter, pourquoi dire je t'aime? Chanter tout le temps. Il fait une chanson. Cette chanson. Attention, ça va faire craquer, hein. J'aurais voulu être un artiste, tu connais? J'aurais voulu être un art. Oui, c'est ça. Attends, on va aller chercher Daniel Balawan qui a fait ça, je crois, non? Waouh. La ziza. Alors attends, j'ai les paroles. J'ai du succès dans mes affaires. On commence à être moins nombreux. On chante des chansons françaises, on doit pas bien les faire. Mais pourquoi j'ai une pub pour le Galaxy? Je m'en fous. Êtes-vous sûr de vouloir quitter cette page? Oui. Ah, tu